fait, les instruments, je les aime pas, la musique, je l'aime pas non plus, et l'interprétation, je trouve qu'elle est pas ouf. Et c'est pas un peu réducteur de dire que globalement, t'aimes pas les instruments, c'est-à-dire que t'aimes pas les cordes, bon, parce que c'est... Ah non, c'est vrai, là, d'un seul coup, je suis convaincu. Ouais, t'aimes pas les cordes, quoi. Ouais. Donc du coup, ça sert à rien d'écouter un truc avec des cordes. Non. Si de base, t'aimes pas les cordes. Ouais, c'est vrai. Je sais pas trop... Bah écoutez, déjà j'ai entendu un instrument que je connaissais pas du tout, parce que je pensais que c'était un clavecin, ah ouais, mais non, en fait c'était un théorbe. Ouais, qui est un genre de luth. C'est ça. Ouais. Ouais. Et t'aimes pas non plus? Bah non, mais j'ai juste l'impression d'avoir été piégé. Ah oui, tu crois que c'était un clavecin, bah déjà ouais. De base. Ouais, mm-hmm. C'est, tu pars mal. Voilà. Ouais, et les autres instruments quand même, parce que bon, il y a des violons, bah j'ai entendu le violoncelle, le violon... Mais en fait, le problème, c'est que comme c'est un artiste qui n'est pas connu, j'avais l'impression d'être vraiment prétentieux à être. J'écoute un répertoire que personne ne connaît, je suis au-dessus du monde, j'écoute Bieber alors que en temps, j'ai pas encore tout écouté. C'est Mozart, bien d'entendre des trucs avec des sons qu'on connaît, mais on connaît pas le. Où on connaît pas le morceau, parce que souvent on a. La musique classique, entre guillemets, on va nous. Tout le monde a l'impression d'écouter les mêmes artistes. On ressort souvent les Bach, les Beethoven, machin. C'est toujours bien d'entendre des nouveaux. C'est dans le rock, t'écoutais Queen et puis t'estimais qu'il y a qu'eux qui font du bon rock, donc ça sert à rien d'écouter les autres. Et que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails. La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. On peut découvrir un jeune talent, on peut redécouvrir un compositeur oublié. Le verbe « découvrir » fait partie de ces transitifs qui flirtent avec la collocation certains compléments d'objets s'y attachant volontiers. Pourtant, on pourrait découvrir autre chose que des jeunes talents. Qui plus est, jamais les outils de découverte musicale ne semblent avoir été aussi démocratisés que depuis Internet. Pour approfondir ces questions, nous recevons dans Métaclassique deux sociologues, Sophie Maisonneuve, qui est maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Paris, et Loïc Rium, qui prépare une thèse de sociologie à l'École des Mines de Paris. Mais d'abord, un air du compositeur Giovanni Bononcini, interprété par un contre-ténor polonais qui a fait le buzz sur YouTube et dont par suite, la découverte semble s'être imposée à tout mélomane internaute, Jakub Józef Orliński. Bonjour Sophie Maisonneuve. Bonjour David Christoffel. Je disais à l'instant qu'on a là l'exemple d'un chanteur qui semble s'être imposé à nous pour qui fréquente Internet tout en s'intéressant à la musique classique. Ça veut dire qu'il y a quand même un pouvoir de recommandation des plateformes musicales. Oui, alors ce pouvoir est certain, il existe. Néanmoins, il convient de nuancer ce pouvoir. On entre très vite, que ce soit de façon critique ou enthousiaste, dans des schémas de déterminisme technique qui accordent à ces nouveaux outils, notamment les algorithmes, des pouvoirs très forts de recommandation. Et quand on creuse un petit peu ce qu'il en est des pratiques réelles des auditeurs, des utilisateurs d'Internet et notamment des plateformes musicales de streaming, on s'aperçoit que, en fait, leur pouvoir est relatif, qu'il convient en fait de mettre en perspective la place de ces algorithmes dans tout un ensemble d'outils que convoquent les utilisateurs et les auditeurs. Si on peut dire que effectivement le pouvoir est tout relatif, c'est précisément parce que les usagers s'en émancipent très facilement. Vous êtes entretenu avec un certain nombre de digital natives sur cette question de leur découverte musicale sur Internet et vous êtes aperçu qu'ils contournaient le plus souvent ces recommandations. Oui, alors bon, déjà il faut en fait quand on parle des outils de recommandation sur Internet, il faut aussi préciser lesquels. Voilà. Il y a d'abord les outils qui existaient en fait avant l'Internet, mais qui ont été transposés, qui sont les palmarès, les votes, qui sont en fait des outils assez anonymes. Donc c'est la recommandation par le nombre. Il y a également la recommandation par les critiques. Et puis enfin, effectivement, ces nouveaux outils dont on parle beaucoup, qui sont les algorithmes, qui ont la nouveauté d'être, comme on les appelle, sujet centré, donc centré sur les expériences d'écoute précédentes des consommateurs. Voilà. Et les auditeurs que j'ai pu interviewer, donc qui sont principalement des jeunes, mais il n'y avait pas que des jeunes, ces auditeurs donc sont très réticents en fait face à tous les outils anonymes. Donc palmarès, etc. Ils peuvent s'y intéresser, mais c'est très secondaire. Les effets vont être assez secondaires. Donc leur place est vraiment à situer dans un dispositif que les utilisateurs eux-mêmes mettent en place et en fait une palette d'outils qu'ils vont conjuguer. Et dans cette palette, finalement, ces outils, notamment anonymes, hein, le palmarès, etc., les votes, les likes, sont très secondaires. Les algorithmes ont une place plus ambivalente qui est liée notamment à la question de la situation d'écoute et de l'énergie, de l'engagement que l'auditeur ou l'auditrice est prêt à accorder à la découverte. Alors, qu'est-ce que c'est que la découverte ? Bonjour Loïc Rium. Bonjour. En fait, c'est une notion un peu floue, parce que quand elle est employée par un prescripteur, c'est clair qu'il veut nous faire découvrir, alors typiquement, c'est pour ça que je prenais cet exemple en ouverture de l'émission, le jeune artiste, sauf que dans la vie d'un auditeur, ce qu'on découvre, ce n'est pas forcément un jeune artiste. Non, ce n'est pas forcément un jeune artiste, et surtout ce qui est intéressant de réfléchir, de quoi ? La question qu'il me semble intéressante de suivre, c'est justement comment différents acteurs dans différents sites problématisent cette question de la découverte et la pensent. Et pensent des formes de découverte qui, quand on commence à se balader un petit peu de... Après, on entrera peut-être dans des exemples plus précis, mais entre différents sites, Internet, mais aussi notre disquaire préféré ou un organisateur de concert qui doit promouvoir des groupes et aussi, d'une certaine manière, attirer en public en faisant découvrir un groupe en live, on se retrouve en fait face à des problématisations de cette découverte très différentes. Et c'est une question qui est d'autant plus intéressante qu'elle commence à être un débat relativement central dans les échanges et les controverses qui animent l'industrie de la musique. Les plateformes d'écoute sont, si on prend l'histoire de Spotify par exemple, ont commencé comme des plateformes qui laissaient beaucoup d'autonomie à l'auditeur, ou si celles et ceux qui se rappellent de la première interface, on demandait à l'auditeur de dire ce qu'il avait envie d'écouter. Et progressivement, on s'est orienté vers une organisation des plateformes centrée autour de la personnalisation et notamment de la personnalisation de la découverte. Et du coup, l'habilité de ces plateformes à faire découvrir est devenu un argument central de la manière dont on les compare les unes par rapport aux autres. Alors voilà, c'est l'élément qui permet de faire la différence entre Deezer, Spotify ou encore YouTube, sauf que du point de vue de l'internaute, ce que vient de nous dire Sophie Maisonneuve, c'est qu'il s'en détourne le plus volontiers au point que c'est pas ça qui va l'amener sur telle ou telle plateforme alors ? Bon, après, chacun, je pense que les choix de plateforme des utilisateurs sont complexes et qu'il y a plein de paramètres qui entrent en ligne de compte. Ce qui me semble intéressant, c'est plutôt de voir comment eux problématisent, comment les plateformes problématisent une forme de découverte. Après, chaque utilisateur, et Sophie l'a très bien montré dans son travail, se construit ses propres dispositifs pour se faire découvrir soi-même de la musique. Ce qui est intéressant, c'est que, et c'est là où la question d'Internet entre aussi quand même en ligne de compte, c'est que beaucoup de travaux par rapport à la musique, mais par rapport à d'autres choses, ont montré comment Internet s'est construit autour de l'idée d'exploration. Quand on pense à ces la pages, sérendipité, et tout ça. Et ont probablement reproblématisé la question de la découverte de musique là autour, avec aussi derrière en fait, la question des modèles économiques de ces plateformes qui, pour beaucoup, sont en fait construites sur l'attention et du coup la découverte. Maintenir un utilisateur en haleine de quelque chose de nouveau, c'est aussi une manière de capter son attention et de le faire revenir sur la plateforme. Alors, comment on dose ce qu'on découvre et ce qu'on réécoute pour le plaisir, Sophie Maisonneuve ? Alors là, je n'ai pas vraiment... Enfin, je m'intéressais plutôt à la découverte. Non, mais comment on le dose en tant qu'auditeur à partir des entretiens que vous avez pu mener ? Oui, alors en fait, c'est une question que j'ai peu explorée. Donc, ce qui m'a frappée, en fait, si je suis partie sur l'exploration de la question de la découverte, c'est que c'est quelque chose qui est central chez les auditeurs, chez les amateurs et amatrices. C'est un terme qui revient sans cesse. Et donc, j'ai décidé vraiment d'explorer plus avant cette question de la découverte. Voilà, réécouter ou redécouvrir, évidemment, on revient toujours à des choses qu'on connaît parce que, justement, on les aime. C'est une manière aussi de confirmer son goût, de retrouver des émotions, voire des souvenirs. Ce qui est très marquant aussi, c'est qu'un certain nombre de musiques sont attachées chez les auditeurs à des souvenirs. Et d'ailleurs, je n'ai pas exploré de façon quantitative, mais c'est quelque chose d'assez récurrent. Les goûts sont souvent liés à des périodes de la vie et donc on va revenir à certains types de musique ou certains morceaux qui sont associés à certaines périodes de la vie. Et puis donc il y a cette découverte qui est plutôt tournée vers le désir d'entretenir, de renouveler son goût, mais aussi qui peut être déclenchée par des échanges avec des proches. Et en fait, ce qui me semble très important aussi, c'est que dans ce rapport à la musique, que ce soit découverte ou réécoute, est cruciale la part du lien avec les autres, voilà, avec une communauté d'amateurs ou bien tout simplement avec des proches, que ce soit la famille ou bien des pairs. C'est quelque chose qui est vraiment très marquant. Ça veut dire qu'on n'est jamais complètement seul face à ces découvertes musicales, même si on est seul face à son ordinateur ou son téléphone portable ? Oui, alors en fait, c'est très intéressant parce que finalement, les amateurs et amatrices revendiquent très fortement la singularité de leur goût. Donc c'est mes goûts et je ne veux pas, enfin très souvent, les auditeurs et auditrices que j'ai pu interviewer affirment qu'ils ne souhaitent pas se faire dicter ce qu'ils doivent écouter. Donc c'est aussi une des raisons de la distance qu'ils prennent avec tout ce qui est ce que j'appelle anonyme. Donc je l'ai expliqué tout à l'heure, les palmarès, voire la recommandation par des critiques qui, ne vous connaissent pas. Vous connaissez éventuellement la plume de ce ou cette critique, mais voilà. Mais Loïc Riom, cette prise d'autonomie de l'auditeur par rapport aux recommandations qu'il peut recevoir, elle a aussi quelque chose de paradoxal parce que les recommandations personnalisées que peuvent faire les algorithmes peuvent paraître intrusifs, sauf qu'ils ne sont intrusifs qu'à l'échelle de ce qu'on pourrait les trouver fiables. Or, en fait, on les trouve rarement si fiables que ça, puisqu'on personnalise nous-mêmes nos chemins. Je ne sais pas si la question de l'autonomie est forcément la meilleure manière de poser le problème, parce que, à mon avis, si on aborde la question de la prescription, comme vous l'avez problématiser en début d'émission, vraiment comme une relation qui va dans les deux sens, où le jeu, il est autant... Si on prend, j'aime beaucoup le terme en anglais de tastemaker, de faiseur de goût, et il y a un jeu des différentes personnes qui prescrivent. Alors là, on parle de ces plateformes de streaming qui nous offrent de la recommandation personnalisée, mais finalement, le critique dans un magazine de rock est aussi... dans ce type de relation où la question est de comment on peut faire découvrir à quelqu'un, faire aimer de la musique à quelqu'un d'autre. Et forcément, cette relation, en fait, engage un jeu qui va dans les deux sens. Ce n'est pas une seule personne qui l'impose sur l'autre et la deuxième qui est plus ou moins autonome. C'est un jeu un peu de... où l'auditeur... C'est une relation. ...doit aussi se laisser prescrire ce qu'on lui propose. Ça me surprendrait beaucoup que Spotify prétende qu'il peut faire écouter ce qu'ils veulent à leurs écouteurs. Et justement, quand on regarde tout ce qu'ils doivent engager pour que leurs algorithmes marchent, on se rend bien compte de la tâche qui se donne et de la difficulté de le faire. Et je pense que tout prescripteur est engagé dans cette tâche-là, de comment on fait son travail de prescription. Et il faut arriver à redonner un petit peu d'épaisseur, comme ça, de chair à ce travail-là, et en allant voir justement qu'est-ce qu'on fait pour faire découvrir de la musique, et qu'est-ce que les gens en face font pour se laisser faire découvrir la musique. J'ai tapé « découverte musique classique » dans YouTube avec des résultats extrêmement décevants puisque finalement ça a très vite donné des playlists de musique pour se relaxer, des playlists complètement fonctionnelles. Et il y avait une playlist « musique classique à découvrir » de Bernard Berger dans laquelle on trouve par exemple ses variations sur un thème de Paganini de Brahms interprété par Yevgeny Kissine. Thank you. Yevgeny Kissin, dans quelques variations sur un thème de Paganini de Johannes Brahms, l'une des découvertes de musique classique qu'on peut trouver intitulée comme telle dans une playlist YouTube. Sophie Maisonneuve, vous thématisez que devant l'offre assimilée à l'infini que peut nous donner Internet, les enjeux de la découverte musicale ont des échelles quand même différentes selon qu'on les traite à l'échelle domestique, dites-vous, ou à l'échelle du système. C'est quoi ? Quel système ? En fait, j'ai parlé d'économie domestique, c'est-à-dire des outils que mettent en place, enfin, des ressources dont peuvent disposer et que construisent les amateurs pour découvrir de la musique. Et puis il y a les outils et toute l'économie de l'industrie musicale que j'appelle donc l'économie plus large, qui est en fait l'économie au sens commun, au sens habituel. Et en fait, évidemment, ces deux économies, ces deux systèmes sont étroitement intriqués, puisque l'objet de l'industrie musicale, c'est bien évidemment d'accrocher des auditeurs, de les fidéliser, de développer des marchés. Donc il faut pour ça trouver des outils dont les algorithmes sont le nouveau Graal, on va dire. Et puis, il y a ces amateurs et amatrices qui, eux, développent aussi leur propre économie, c'est-à-dire vont combiner, trouver, fabriquer des ressources pour découvrir de la musique. Alors, évidemment, ces ressources, ils en trouvent une infinité, enfin un grand nombre, dans l'industrie musicale, et notamment tout ce qui est disponible aujourd'hui sur Internet. On a parlé bien sûr des algorithmes, il y a la critique musicale, il y a également ce que j'appelle les outils institutionnalisés, les catégories institutionnalisées, des genres musicaux, des noms de compositeurs, d'artistes, des noms de producteurs. Tout ça, c'est puisé effectivement dans ce qui circule dans l'industrie musicale généralement. Et puis, effectivement, cette économie domestique se greffe sur cette économie générale avec parfois des tensions. Les auditeurs donc revendiquent, comme je le disais tout à l'heure, leur singularité et sont parfois méfiants face aux outils qui sont offerts par l'industrie musicale. Méfiants notamment parce que, contrairement à certains outils donc, qui ne relèvent pas de cette industrie, ou en tout cas pas directement, qui sont les relations interpersonnelles avec la recommandation par des proches, notamment la place du père expert, comme je le qualifie, ce proche qui est en fait aussi expert, donc plus connaisseur que l'individu lui-même en matière de musique ou de tel ou tel genre de musique. Donc ces individus sont relativement méfiants face à tout ce qui va être impersonnel, je l'ai déjà dit, mais aussi par rapport aux finalités de ces outils de recommandation. C'est-à-dire qu'il y a effectivement très rapidement une mise à distance face aux finalités commerciales de la recommandation, alors que justement les pairs, et notamment le père expert, les personnes que l'on connaît personnellement... Mais le père expert, c'est quelqu'un de notre génération que l'on connaît personnellement, qu'on va choisir, que l'on choisit. Voilà. En vous lisant, vous avez donc dans la revue Réseau consacré un article qui s'intitule « L'économie de la découverte musicale à l'ère numérique ». On a l'impression que par Internet est arrivé un nouveau visage de l'éclectique. Parce que si je me souviens bien de ma lecture de Bourdieu, l'éclectique c'était d'abord l'héritier, c'est-à-dire quelqu'un qui était déjà dans la culture haute. Alors que maintenant, c'est l'éclectisme une espèce de valeur commune que même on doit avoir pour pouvoir dire qu'on aime la musique ou... Alors, je ne sais pas si on doit l'avoir. Je ne me suis pas forcément beaucoup intéressée à cette question de ce qu'il est légitime de faire ou de revendiquer en matière culturelle. Il y a des travaux qui s'y sont intéressés, notamment Dominique Pasquier, sur la culture de scène, ou les pratiques de scène. L'éclectisme est évidemment facilité par l'abondance en régime numérique. Maintenant, c'est vrai que le goût pour, par exemple, la musique classique ne s'est pas forcément développé. Donc effectivement, je pense qu'on est, disons que le numérique, mais aussi la massification scolaire et toute une série de mutations sociales récentes ont conduit à nuancer les théories de Bourdieu, notamment, en fait, Bourdieu ne parlait pas vraiment d'éclectisme, hein. Il y avait la culture savante et les cultures moyennes et populaires. C'est plutôt les travaux d'Olivier Donat dans les années 90, notamment, qui ont conduit à et puis d'autres ouvrages anglo-saxons qui ont conduit à, comme par exemple Peterson qui parle d'omnivore culturel, qui ont conduit à nuancer justement ces travaux de Bourdieu. Et évidemment, on peut penser que le numérique a un rôle dans ces évolutions, mais voilà, il reste à nuancer de nouveau. Loïc Riom, quand Spotify par exemple me recommande quelque chose, j'ai l'impression qu'il s'appuie sur mon historique en voulant m'inciter à me mettre encore plus dans ma niche, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément prendre en charge quelque éclectisme que ce soit ou être garant de la variété de mes goûts potentiellement. Ce que je trouve toujours compliqué avec la question de l'éclectisme et c'est qu'on trouvera toujours quelqu'un pour nous dire que finalement un morceau ressemble... Il y a toujours des critères de similarité, comme on dit chez Spotify. C'est un peu compliqué. Alors effectivement, ça a été beaucoup discuté, la question de ce qu'on appelle les bubble filters ou les filtres de... filtre en bulle. Ça a été surtout commenté pour les opinions politiques, mais pas tant que ça pour les goûts musicaux. Certaines personnes reprochent justement à Spotify le fait de mettre les gens dans des univers musicaux, y compris des académiques. Il y a des chercheurs, notamment suédois, qui ont cherché en créant des petits robots de voir des petits robots qui écoutaient de la musique sur Spotify, de voir quand les morceaux revenaient, par exemple, pour démontrer ça. Alors, je ne sais pas si c'est forcément ça qui est le plus intéressant. On peut effectivement les critiquer. Il y a des gens qui sont très contents aussi de ce que leur offrent comme découverte ces plateformes. Donc voilà, c'est toujours un peu... je ne sais pas si notre rôle comme sociologue, c'est de trancher ces questions-là. Ce qui est intéressant, c'est peut-être plutôt de regarder quels sont justement les types d'univers que ces playlists recréent. Comment elles mettent en relation des morceaux ensemble, elles les indexent. Et ce qui est là assez frappant et qui devient de plus en plus visible, c'est qu'elles s'écartent des catégories à la fois de genres musicaux, mais aussi que peuvent utiliser des sociologues comme Pierre Bourdieu ou Richard Peterson dont on parlait. On va peut-être nommer un petit peu ces nouvelles catégories qui n'existaient pas alors dans la façon de ranger les disques dans les médiathèques et qui apparaissent dans la façon de ranger les fichiers et les titres à la fois sur les ordinateurs personnels des utilisateurs et sur les plateformes d'écoute de musique en ligne. Oui, l'exemple classique, c'est la playlist pour ou aller faire sa gym le mercredi soir en rentrant du travail. Après, je mettrais annoterai un tout petit peu ce que vous venez de dire, c'est que certes, dans une certaine pratique de la musique, disons de l'amateur qui a sa collection de disques, ces types de classements, de mise en relation de musique apparaissaient relativement peu. Quoique, il faudrait... Il faudrait vérifier. Mais c'est pas pour ça que ça existe. La cassette où on a mis des morceaux pour la voiture et pour partir en vacances, en famille... qu'on écoute sur son Walkman pour aller courir, elle existe depuis bien avant Spotify. Au contraire. Faisait sa sélection de morceaux préférés de façon très personnalisée avant le numérique, effectivement. Oui, et surtout des sélections de morceaux orientées sur des activités, mood, le terme en anglais. Des humeurs. Des humeurs, des émotions. Il y a une chercheuse anglaise qui s'appelle Tian Nora qui a très bien montré comment, justement, les différents individus utilisaient la musique comme ce qu'elle appelle une technologie de soi. Donc, pour s'accompagner dans un certain nombre d'activités, pour se faire faire certaines choses, pour se mettre dans certains états. Et par contre, effectivement... peut-être d'ailleurs en se rendant compte des pratiques qu'avaient les utilisateurs sur leur plateforme, les plateformes de streaming se sont largement saisies de ces questions. Oui, elles l'ont moins imposé aux internautes qu'elles ne se sont inspirées de leurs propres pratiques. Pour construire de nouveau, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, maintenir l'attention et demander aux gens de revenir. Ce qui est intéressant aussi, c'est par rapport à la découverte, c'est que sur ces playlists-là, d'une certaine manière, le nom des artistes disparaît un petit peu. Donc on peut aussi, ça ouvre sur d'autres univers musicaux, mais qu'est-ce qui reste comme trace de l'écoute ensuite ? Sophie Maisonneuve, vous avez exploré aussi les prescripteurs alternatifs. Par exemple, certains de vos interviewés étaient consommateurs d'une plateforme qui s'appelle musiqueapproximative.net, où là, on est dans l'affirmation du random, dans l'anti-recommandation personnalisée. Voici un exemple. Je suis vendeur chez Decathlon, j'en ai plein le fion. Vendeur chez Decathlon, j'en ai plein le fion. Je cours dans tous les rayons, ah, en ce moment c'est les promotions. Vendeur à Decathlon, j'en ai plein de fions. Vendeur à Decathlon, j'en ai plein d'oignons. Je cours dans tous les rayons, ah, en ce moment c'est les promotions. Ah, le caleçon, il est à 50%. Voilà, Vendeur chez Decathlon, c'est une chanson de Michel Hichel. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est peut-être le nom du prescripteur, parce que le portail regroupe 150 et quelques contributeurs qui postent notamment des chansons. Et là, en l'occurrence, c'est un Lésion d'honneur qui revendique ça. Donc, il y a vraiment l'idée de se montrer anti-prescriptif en étant prescripteur alternatif. Oui, alors effectivement, c'est cette personne-là qui évoquait utiliser, enfin en fait, il y en a plusieurs qui ont évoqué l'utiliser. Il y a vraiment l'idée que finalement, la découverte, c'est aussi effectivement être ouvert à finalement n'importe quoi. Et peut-être que les algorithmes de recommandation conduisent à des choses, c'est déjà quelque chose qui a été montré, on a parlé tout à l'heure des bulles de filtre, conduisent à finalement refermer un petit peu, ou en tout cas limiter l'univers des possibles. Donc là, c'est ce désir de finalement d'utiliser Internet à d'autres fins, non pas faciliter la trouvaille de quelque chose dont on sait ou dont on pense qu'elle a de fortes probabilités de nous plaire, mais au contraire, faire l'expérience de choses complètement inattendu, quitte à éventuellement être déçu. Et ça, c'est quelque chose qui est finalement évoqué par un certain nombre de personnes que j'ai pu écouter, interviewer. Loïc Riem, vous avez travaillé sur Sofar Sounds, qui est un label qui produit des artistes pour des concerts d'appartements. On va écouter une de ces découvertes et puis vous allez ensuite nous expliquer comment cette façon de découvrir de la musique fonctionne. Vous écoutez Métaclassique, une émission de David Christoffel. Thank you. Tony Bliard, c'est un artiste que l'on a pu donc découvrir grâce à Sofar. Le Crium, c'est quoi Sofar Sounds? Alors, c'est plutôt une organisation qui produit des concerts. Des concerts, et je reprends leur description, intimistes dans des espaces insolites. Et des concerts aussi qui sont ce qu'ils appellent des secret shows. C'est-à-dire qu'on s'inscrit sur une plateforme et qu'au moment où on demande à être invité et à recevoir un ticket pour une soirée, on ne sait pas ni le lieu ni les artistes qui se produiront lors de cette soirée. Donc on est sûr de découvrir quelque chose. Voilà, exactement. Et c'est la manière dont Sofar présente ces événements comme des événements d'écoute hein, où on se laisse porter par la programmation qui est proposée sans la connaître a priori. Et puis, c'est un élément important, donc, c'est des événements qui n'ont pas lieu dans des salles de concert ou dans des lieux dédiés à la musique, mais dans des lieux inhabituels pour la musique qui accueillent le temps d'un soir des concerts. Ça peut être des bureaux, un appartement, une galerie d'art, un magasin. Et en fait, ça crée un environnement très, très particulier où on se retrouve avec relativement peu de gens, il y a en général une cinquantaine de personnes, avec des performances qui sont la plupart du temps pas amplifiées ou très peu, et du coup assez acoustiques dans une ambiance que les gens décrivent comme très, très intimiste. Comme ça, on a beaucoup de proximité. Ce qui est intéressant, c'est que l'ambiance semble à peu près homogène, quels que soient les musiciens qui sont finalement mis en circuit dans ce dispositif. Ah oui, tout à fait. Et Sofar met beaucoup d'énergie pour que ces soirées ressemblent toutes les unes aux autres. Il y a comme ça une espèce de script de la soirée qui est établie. Une signature événementielle. Exactement. Ouais. Avec, de nouveau, on se retrouve face à cette question où Sofar, du coup, met beaucoup en avant l'aspect de découverte, maintient en haleine aussi son public en disant, ben voilà, vous allez découvrir certaines choses, mais aussi promet aux artistes d'être une plateforme pour qu'ils puissent se faire découvrir. Et il y a tout un jeu et tout un travail important qui se joue autour de la question de comment on fait maintenir la découverte ou la trace de la découverte après la soirée. Parce que comme les artistes ne sont pas annoncés en amont, il n'y a pas tout le travail de promotion classique d'un concert et qui doit un peu se faire d'une certaine manière en aval de la soirée par des moyens un peu détournés et bricolés par Sofar Sounds pour justement... permettre aux artistes de garder un lien et de garder quelque chose de cette soirée-là. Sophie Maisonneuve, vous le voyez apparaître, ça, que des dispositifs de rencontre avec les œuvres deviennent comme des sortes de storytelling qui prennent le pas presque sur le contenu. Au sens où le scénario de rencontre devient L'enjeu, en tout cas, il peut être déclencheur. Ça peut arriver, effectivement, notamment dans le live, en effet. Je pense que le live, les concerts, les festivals sont associés à des expériences très fortes. Et c'est justement ce qui fait que le live est devenu très important aujourd'hui, c'est que c'est un moment partagé avec d'autres qui reste gravé. Et donc, effectivement, il peut être déclencheur de découvertes et de parcours ou de carrière dans certains styles de musique ou de parcours avec certains musiciens, groupes, genres. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'avenir pour les playlists thématiques de curateurs ? Je vois par exemple des institutions musicales qui vont faire une playlist « La voix dans tous ses états ». Ça, c'est une playlist de documentaliste en quelque sorte. Ce n'est pas une playlist qui s'adresse directement à mes goûts, mais qui me propose d'aller découvrir, comme dans un rayon d'une médiathèque, des choses qui peuvent me surprendre, mais qui n'ont pas été classées par rapport à mes goûts. Si on regarde les plateformes de streaming, elles ont massivement investi ces dernières années dans des curateurs qui proposent des playlists. Tout à fait documentaires. La fameuse playlist Rap Caviar de Spotify. Donc voilà, Spotify a développé ce concept qui est très intéressant de l'algotorial, donc la construction d'éditorial et d'algorithme. qui me paraît très intéressante parce qu'elle, justement, elle participe peut-être à qu'on arrête d'opposer forcément les algorithmes à l'éditorial, mais que de penser comment l'éditorial peut orienter les algorithmes et en retour comment les algorithmes participent à équiper l'éditorial. Voilà, si on pense à des gens qui faisaient des playlists de radio, par exemple, ils regardaient les taux d'écoute. Donc, ils avaient déjà des chiffres qui informaient leur pratique. Donc, finalement, les algorithmes de Spotify, les différentes datas qui sont produites sur ces plateformes ne font que complexifier ces outils, peut-être les affiner, faire entrer de nouvelles problématiques. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait sur quelque chose, en tout cas, de radicalement différent. Sans compter que le mot playlist a glissé de sens, précisément à la radio, à la base, la playlist, c'était les 40 titres que l'on allait programmer le plus dans la journée. C'était pas justement quelque chose qu'on était censé écouter d'un coup autour d'un thème ou d'une humeur. Je vais vous faire écouter une œuvre que j'ai découverte grâce à une playlist d'institutions musicales. C'est le Centre de documentation de musique contemporaine qui récemment a fait une playlist, donc La Voix dans tous ses états, où l'on trouve ces aphorismes extraits des leçons de français aux étudiants américain de la compositrice Isabelle Aboulker. Je m'en aimais mieux que le pire, le pire est moins bon que le bon. Je m'en aimais mieux que le pire est moins bon que le bon. Est aussi mauvais, est aussi mauvais que le pire. Est aussi mauvais, est aussi mauvais que le pire. Le bon est meilleur que le pire est moins bon que le bon. En hiver, les jours sont plus courts qu'en été. Un homme vivant parle beaucoup plus que l'homme mort. Il bouge davantage aussi, mais s'il refusait de parler, il ne bougeait pas plus qu'un homme mort. Aphorisme extrait des leçons de français aux étudiants américains de la compositrice Isabelle Aboulker, dont on peut dire qu'elle est donc extraite de la playlist La Voix dans tous ses états du CDMC, le Centre de documentation et de musique contemporaine. Sophie Maisonneuve, Omer Corlet a une question pour vous. Sophie Maisonneuve, bien sûr, je me suis intéressé à un élément qui est pour moi passionnant, même du point de vue professionnel, je dirais, de la machine parlante au disque. C'est peut-être là que je voudrais revenir. Effectivement, vous expliquez que le processus a été au contraire de faire sortir la parole du disque au profit de la musique. Et quand on perçoit notre 21e siècle qui s'ouvre, paradoxalement, on constate que c'est le livre enregistré qui fait un grand retour dans les bacs à disques, ou du moins dans les bibliothèques, les librairies. Il y a un désir de parole, un désir de l'oralité ou de l'oral, puisque vous parlez de l'oral. On voit bien que cette dimension-là semble reprendre le dessus dans la manière de concevoir. Et en même temps, paradoxalement, dans l'histoire contemporaine, on constate qu'il y a un désir de retour au vinyle. J'ai constaté qu'il y avait une mode que l'on pouvait percevoir aujourd'hui de retour vinyle par opposition à la musique numérisée. Alors paradoxalement, que la musique numérisée nous donne un signal plus raffiné, plus affiné, puisque la notion de bruit tend à disparaître, tend à s'effacer. Un petit peu, j'aime bien le dire, quand un flûtiste, qu'est-ce qu'un bon flûtiste français ? C'est un flûtiste qu'on n'entend plus le souffle, il y a une dématérialisation. Et le processus de la numérisation, c'est dans cette logique de l'affinage du son. Et on voit un public qui, paradoxalement, ne veut plus ça, veut autre chose, veut un son plus bruité, paradoxalement. Et donc, ce contexte de retour à la voix et retour à un son plus bruité, c'est une chance pour la musique contemporaine, ça c'est certain, pour le son plus bruité. Et il n'y aurait pas un paradoxe qui est en train de surgir actuellement, une sortie de la musicalisation de l'enregistrement sonore. Merci pour cette double question. Je préciserai un petit peu, je crois que il ne s'agissait pas en fait pour l'industrie phonographique du début du XXe siècle de faire sortir la parole au profit de la musique, mais plutôt de faire entrer la musique dans ce monde phonographique. C'est, effectivement, la parole a toujours été, enfin, a été première, elle n'a pas disparu, elle a, par exemple, poursuivi un parcours à travers tout ce qui est les technologies d'enregistrement de la parole, le dictaphone, etc. Elle a servi aux anthropologues pour leur terrain, etc. Donc, la parole n'a pas disparu. Effectivement, les livres enregistrés sont un phénomène très intéressant qui essaie de se développer. Ce n'est pas encore quelque chose de très majoritaire, mais effectivement, c'est quelque chose qui a l'air de prendre. Donc voilà, je ne suis pas sûre que la parole ait disparu et je ne pense pas qu'on doive opposer la parole et la musique. Alors peut-être que je me suis mal exprimée dans mon livre, peut-être que mes propos ne sont pas très clairs. Voilà pour la première question. Et concernant la deuxième, effectivement, ce désir de retour au vinyle est très intéressant. En fait, je pense qu'il y a deux éléments dedans. Il y a enfin, ou trois peut-être. La musique numérisée, ce n'est pas forcément le son le plus parfait, le plus profond. La musique numérisée, c'est aussi de la compression. Le MP3, c'est la possibilité de transporter le son pour l'écouter partout. Et effectivement, le vinyle, c'est... c'est presque quelque chose d'inverse, c'est quelque chose que l'on va écouter chez soi ou, en tout cas, dans un lieu bien, bien déterminé. Donc, il y a d'un côté l'aspect acoustique, hein, la musique numérisée, ça peut être de la compression, ça n'est pas forcément meilleur d'un point de vue acoustique. Et puis, il y a aussi le fait qu'on peut préférer le son que certains auditeurs. Alors, c'est difficile à mesurer d'un point de vue, on va dire, physico-acoustique, mais le son plus chaud du vinyle, éventuellement le bruit de surface, etc. Et le troisième élément qui me semble peut-être le plus important, c'est que le vinyle, c'est aussi un objet. Et dans toutes ces personnes qui reviennent au vinyle, il y a aussi la manipulation qui est très importante. Ça a toujours été très important dans le rapport à la musique depuis qu'elle est enregistrée, ce plaisir de la manipulation, de même que le plaisir du lecteur, c'est aussi, alors on pourra s'interroger sur ce que c'est en train de devenir avec les livres numériques, mais le plaisir de la manipulation, le plaisir de la collection, etc. Donc voilà, cet album, c'est quelque chose de très important, et d'ailleurs, aujourd'hui, que ce soit le vinyle ou le CD, quand on veut offrir de la musique, effectivement, ça reste, l'objet reste très important. Voilà. On a l'impression, dans la question d'Omer Corley, que ceux qui écoutent des vinyles ne vont plus sur Internet, qu'ils tournent le dos à toute expérience numérique. En fait, ce sont des expériences qui peuvent cohabiter, Loïc Rium. Ah oui, tout à fait. Moi, pour les entretiens que j'ai pu faire dans mon travail, on voit très bien, au contraire, et ça abonde dans le sens de ce que Sophie pouvait dire en début d'émission, sur le fait, les aptitudes des auditeurs à circuler entre différents formats d'écoute, à les complémenter. À aller sur YouTube pour écouter une première fois un artiste, savoir si on l'aime, ensuite télécharger l'album sur un site de pirates en ligne, et puis finalement, parce qu'on aime vraiment beaucoup le groupe, aller le voir en concert et repartir avec le vinyle. J'ajouterais peut-être une chose sur le vinyle qui me paraît important, c'est quand on parle de la crise du CD, des chutes de vente, on insiste beaucoup sur la question des revenus et du fait que les maisons de disques ont été amputées d'une grosse part de leur chiffre d'affaires, ce qui est tout à fait vrai. Mais il me semble qu'il y a une dimension qui est peut-être un peu négligée, c'est l'état, la question que ça pose de comment on fait recirculer de la musique. On peut à nouveau vendre de la musique, on peut à nouveau parler de la musique, on peut à nouveau en faire la promotion sans le CD. Et c'est aussi ça la question qui s'est posée et qui se pose toujours d'une certaine manière aux différents acteurs. Et le vinyle est aussi apparu, en tout cas dans certains genres musicaux et pour certains musiciens et certains labels, comme une manière de recréer justement un marché et une relation avec un public en vendant ces albums, notamment autour de des concerts et aussi de plateformes, si on pense à Bandcamp notamment, qui se sont construites autour de cet objet-là et avec des résultats qui sont tout à fait frappants, où les ventes sont en progression chaque année, à tel point que Bandcamp a réouvert un magasin à San Francisco, se fait rare, et réinvestit massivement dans cet objet-là. Ouais, le support physique est réinventé, finalement. Il y a autre chose que, pour terminer, je voulais vous entendre commenter, c'est la façon dont on se parle de musique et avec qui on parle de musique qui a évolué, Sophie Maisonneuve. Je ne pense pas. Je pense que la musique est peut-être devenue plus centrale dans les pratiques quotidiennes. Enfin, dans la vie des gens, on a parlé de musicalisation du quotidien. Enfin, c'est l'expression qu'emploie Olivier Donat pour retracer en fait l'évolution de la place de la musique, des pratiques d'écoute depuis le début des enquêtes du ministère de la Culture, donc 1973, jusqu'au début des années 2000. Donc, évidemment, il y a une place beaucoup plus importante de la musique aujourd'hui. Et la musique, comme le disait d'ailleurs Loïc tout à l'heure avec les travaux de Tia de Nora, donc la musique est devenue un élément qui accompagne aussi la construction de soi et voilà, et le quotidien en fait, toutes les expériences. Donc la musique, oui, elle est devenue centrale, elle est donc aussi au centre des sociabilités. Après, est-ce qu'on a changé de manière de parler de la musique? On a changé d'horizon d'interlocuteur parce qu'on se met à en parler avec d'autres internautes qu'on ne connaît pas par ailleurs aussi. On peut penser au forum de collectionneurs de 78 tours, si on veut rester au vinyle, ils n'ont jamais eu autant de possibilités de se rencontrer, d'échanger. Oui, des sites comme Discogs ont construit autour de ces enjeux-là. Peut-être qu'une manière un peu différente de voir les choses, c'est se dire qu'on a... D'une certaine manière, en tout cas c'est une hypothèse que j'aime bien et que fait Sanfian Fanon dans son livre Boulevard du Stream, c'est que finalement l'industrie de la musique a un peu enfermé la musique dans le disque à un certain moment, et qu'on assiste depuis une dizaine, 10-20 ans à de nouveau une multiplication en fait. Et c'est peut-être ça qui change et qu'on voit plus d'endroits. Alors après... Ces multiplications posent des problèmes, il ne faut pas le prendre d'une manière un peu naïve en se disant c'est la musique qui est libre à nouveau et qui peut... Parce qu'il y a des vraies questions en fait que pose là au niveau de la rémunération des artistes, de qui sont aussi, on n'en a pas parlé, mais la place des pouvoirs publics et d'une politique culturelle dans ce nouveau paysage. Mais en tout cas, peut-être... de voir ça comme effectivement une démultiplication des manières dont la musique circule et du coup forcément des collectifs dans lesquels elle est prise et des discussions qu'il peut y avoir autour. Merci beaucoup Sophie Maisonneuve. Merci Loïc Guillaume. Et vous pouvez retrouver, si vous avez raté le début de l'émission, son intégralité sur le site metaclassique.com. Jardin, tout rempli de silence, voici que la lune ouverte se balance en des voiles d'or fluides et légers. Elle semble son visage brille. de l'onde, puis en goutte à goutte au bord des vastes rondes, où le bleu frisson d'une brise d'été furtive parmi des palmes invisibles. Je sais qu'au jardin vos caresses sensibles et votre languide et chaude volupté. Parfums d'iris, de jasmin et de rose, vos charmes troublés de désirs et d'ennui, ô jardin muet. L'eau des vasques s'égoutte avec un bruit faible et magique.